Bonjour et bienvenue dans Les Clés du Succès, l'émission qui raconte l'histoire secrète des chansons. Ravi de vous retrouver pour de nouvelles aventures sur des histoires croustillantes sur vos tubes préférés. Aujourd'hui, je vais vous parler du groupe Mano, avec le single qui a cartonné à la fin des années 90, La Tribu de Dana. Pourquoi je veux vous parler de ce groupe ? Tout simplement, il y a une belle histoire derrière ce single qui fête ses 20 ans cette année. Et aussi, c'est le premier morceau de rap que j'ai écouté et que je savais rapper, même si c'était du rap celte. Après quelques incantations de druides et de magie, toute la tribu, le glaive en main, courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des armes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine, où l'homme se traîne, à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant. De férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là. Et pour toutes les lois de la tribu de Dana. Pour moi, c'était du bon rap, c'était comme du Maître Gims, Soprano, du Black M de nos jours. Mais ça n'engage que moi. J'avais 8 ans et j'allais en avoir 9 à l'époque où le single est sorti. Ce morceau m'a vraiment marqué. À l'époque, moi je n'ai pas connu les piliers du rap français comme NTM, IAM. Qui ont cartonné au début des années 80 jusqu'au début des années 2000. Même si j'étais trop jeune, les paroles elles étaient un peu trop trash pour moi et je les ai connues tout ça sur le tard. Le 10 mai 1998, un trio hip-hop appelé Mano sort son premier single, intitulé La Tribu de Dana. En quelques mois, durant tout l'été 1998, ce titre devient un immense tube qui fait danser la France entière. L'été 1998 m'a vraiment marqué avec ce groupe. De la tribu de Dana. Je suis devenu roi. De la tribu de Dana. Mais aussi avec la découverte du foot et la Coupe du Monde 1998 avec la France championne du monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Découvrons comment ces trois copains ont créé ce rap celtique. Pour bien comprendre l'histoire de la tribu de Dana, il faut d'abord s'intéresser aux trois membres du groupe qui ont créé cette chanson. Martial Tricoche, le leader, avec Cédric Suberon et Hervé Lardic. Tout commence à la fin des années 80 à Villetaneuse, en banlieue parisienne. Martial et Cédric, deux copains d'enfance qui ont en commun des origines bretonnes, ont la même passion pour la musique, occupent leur loisir dans une FM associative. Martial est animateur et Cédric est un DJ réalisateur. Cette aventure dure 2 ans et Cédric est ensuite engagé dans une grande FM rock parisienne où il rencontre Hervé Lardic, un musicien venu à la station avec son groupe se produire en live, et Cédric est séduit par le talent d'Hervé, qui après 7 ans de conservatoire, maîtrise de nombreux instruments de musique. À ce moment-là, Martial s'intéresse de plus en plus à la culture celtique dont on lui a beaucoup parlé, l'ami breton de son frère aîné. Martial lit donc des livres de Jean Marcal qui racontent les aventures d'une tribu irlandaise, la tribu de Dana, et il écoute beaucoup de compilations de Trian et Gilles Serva. Un jour, en juillet 1997, il écrit un texte sur les druides et les exploits d'un guerrier et propose à Cédric d'en faire la musique. Ce dernier a alors l'idée de sampler une mélodie traditionnelle Trimartelode, popularisée en 1972 par Alain Stivell. Il ne manque alors qu'à la chanson qu'une base et un clavier qu'Hervé va apporter. Les trois amis cassent leur tirelire pour s'offrir 4 jours de studio au mois d'octobre 1997 afin d'enregistrer la tribu de Dana et un autre titre. Ils baptisent ensuite Mano en référence à l'île Man située entre l'Écosse et l'Irlande au lieu de la tradition celte. Mano envoie ensuite des cassettes de démos

la tribu de Dana. Je suis devenu roi.